figure-toi qu'au moment où j'allais monter dans mon sleeping, je rencontre le docteur Cigalon. Et il me dit, à brûle pourpoint, que... Il entre. Il demeure un instant interdit, mais se domine. Eh oui, on aurait pu voir, nous avons des visites. Marius ? Bonsoir, Marius. Bonsoir, maître Panis. Te voilà de retour maintenant ? Non, mais pour quelques heures seulement, une permission très courte. Raconte-moi ce que t'as dit, Cigalon, là. Pourquoi tu viens me rater ton train ? Eh bien, figure-toi que je rencontre le docteur Cigalon et qui me dit que le petit de Miette a une coqueluche terrible depuis 8 jours. Oh. Enfin, qu'est-ce que tu penses de sa mère qui nous a rien dit ? Mais qui m'en prend tous les jouets du petit et qui m'est rapporte le lendemain ? Eh tiens, ce matin, elle m'a encore rapporté cette poupée. Oh, mais c'est terrible, la coqueluche de maladie terrible qui s'attrape rien qu'en la regardant. Un microbe invisible. Il est des millions et des millions de fois plus petit qu'un moustique. T'es le docteur, te dit, tu le regardes, tu le vois pas. Ah, t'es là décroché comme ça. Et cette saloperie, chaque fois qu'il voit un enfant, il se jette dessus, là, et puis il essaye de lui manger le gosier, tu comprends? Mais il a touché cette poupée. Non. Comment est-il, le petit? Il est un peu chaud ce soir. Ah, bondir, ouais. Tu crois pas cette garce de miette avec sa coqueluche secrète, là? Qu'est-ce que je vais lui raconter à celle-là de même, là? Mais Honoré, n'aie pas peur. Va lui prendre la température, va. Oui. Fanny sort. Panis regarde un moment Marius, puis fait un effort pour sourire. Alors, elle sera longue, cette permission? Ça dépend de ton capitaine. Ça dépend de Fanny et de vous. Eh bien, ça au moins c'est net, c'est franc. Allez, ouais. Mais je ne comprends pas très bien. Eh bien, moi, autrefois comme aujourd'hui, même quand j'étais loin d'elle, j'ai toujours considéré Fanny comme ma fiancée. Considéré? Ah, c'est un joli mot. Mais moi, je ne considère rien du tout. Je sais qu'elle est ma femme, tout simplement. Elle est ma femme et la mère de mon petit. Vous êtes sûr que cet enfant est votre fils? Écoute, Marius, ce retour, il y a 2 ans que je l'attends. Je peux dire que depuis 2 ans, je ne me suis pas couché un soir sans penser, et si c'est demain qu'il revient? Et s'il essaie de tout me prendre, qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais depuis 2 ans, je t'avais préparé toutes mes réponses. Et maintenant que je te vois ici, je ne sais plus quoi dire. Honoré, ne t'inquiète pas, il est un peu rouge, mais il n'a pas l'air malade. La température? Oui. 37,2. Oh, 37,2, cocaïne, il n'a pas plus de coqueluche que moi. Assieds-toi, Panis. Assieds-toi. Panis s'assoit. Alors, toi, en somme, qu'est-ce que tu réclames? Écoutez, maître Panis, j'ai fait une folie il y a 2 heures. Mais maintenant, parce que j'étais bête pendant 1 heure, il faut que la vie de plusieurs personnes soit gâchée. Quelle personne? Fanny, moi, mon père et mon fils. Ben et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Vous avez été heureux pendant 2 ans. Et vous avez été heureux en faisant une bonne action. Ce que vous avez fait, je vous en remercie. Mais maintenant, il faut prendre votre courage et me rendre ce qui m'appartient. Oh, Marius, mais tu vas un peu vite. Ah oui, il a beaucoup de courage pour les sacrifices qu'il demande aux autres. Eh bien, moi, ma réponse, la voilà. Lorsque je vous vois tous les deux, je vois très bien que je suis un gêneur. Eh oui, un gêneur. Il y a une chose que j'aurais bien faire pour me rendre sympathique, c'est d'aller me noyer par accident. Écoute, Fanny, je le ferais bien volontiers pour te rendre heureuse. Mais si je meurs, je verrai plus le petit. Alors moi, je refuse de me noyer. Je le refuse absolument. Mais Honoré, personne ne te le demande, oui. Personne ne me le demande. Mais moi, je viens de me le demander. Fanny, n'aie aucune pitié pour moi. Si tu aimes encore ce garçon, si tu crois que ton bonheur est là, eh bien, tant pis pour moi. Tu es libre. Ça, c'est bien, si vous voulez dire, c'est pas égoïste. Mais l'enfant... L'enfant? Eh bien, il est à nous, l'enfant. Que je te donne, l'enfant! Mais pourquoi tu me donnes pas les yeux, mon poids, ma rate, mon cœur? Oh, vous êtes malin, maître Panis. Si vous faites le grand généreux, vous dites, je donne la femme, mais je garde l'enfant. Parce que peut-être, sans l'enfant, la femme ne partira pas. Eh bien, non. Si vous êtes honnête, vous me rendrez mon fils, parce qu'il est mien. Ah non, Marius, le petit, tu ne l'auras pas. Peut-être que tu seras plus fort que moi pour parler à sa mère. Si tu restes ici, peut-être que le même un jour viendra me le demander. Eh bien, ne fais pas ça, Marius. N'essaie pas de me le prendre. Tu es jeune, toi. Si tu veux des petits, tu en auras d'autres. Mais le mien, laisse-le moi. C'est mon seul, mon unique. C'est mon premier et mon dernier. Mais Honoré, qui peut te le prendre? Tu me connais si peu? Et encore si c'était un enfant ordinaire comme ceux qu'on voit dans les jardins publics. Mais justement, celui-là, c'est la merveille du monde. Oui. Oui. Tous ces discours, c'est très joli. Il a toussé. Il a toussé? J'ai rien entendu. Oui, personne ne l'entend. Mais moi, je l'entends.